14, 26. Observation. Habitude. Avoir l'habitude de. Et infinitif. Elle va souvent au Luxembourg. Elle a l'habitude d'aller au Luxembourg. Elle travaille souvent à la bibliothèque. Elle a l'habitude de travailler à la bibliothèque. Mireille connaît bien Paris. Elle a l'habitude de Paris, bien sûr, puisqu'elle habite à Paris. Mireille prend souvent le métro. Elle a l'habitude de prendre le métro.